commentaires généraux sur les quatre interventions et sur la thématique donc, de politique étrangère, diplomatie, relations internationales, toujours en lien avec les questions de la circulation révolutionnaire, en reprenant à la fois les questions communes aux quatre interventions, puis aussi des commentaires particuliers sur chacune d'entre elles. Alors, tout d'abord, et pour commencer, puisque c'est un colloque sur la circulation révolutionnaire, évidemment, on va souvent faire ce genre de métaphore, mais ce qu'on peut voir, c'est que dans les prises de position des dirigeants, donc de ces pays, de ces gouvernements révolutionnaires, mais aussi dans la manière d'analyser la politique étrangère qui a été proposée donc, ce matin, on voit des choses qui sont finalement assez classiques, assez peu révolutionnaires finalement. Donc on va essayer de discuter sur ce genre de choses. Alors premier élément, alors, je tiens à dire aussi que j'ai préparé la discussion à partir des textes et qu'un certain nombre de réponses aux commentaires que je fais ont été données soit dans la présentation orale, soit dans la discussion. Donc j'ai inventé une réponse. Donc ce que je voulais dire, c'est que les relations internationales ce matin, c'était assez symptomatique, me semble, comprise au sens le plus classique du terme. Et en fait, au sens de relations d'État, ou coalition d'État, ALBA, ou autre groupe d'État, voire d'État et d'organisation internationale, sur des enjeux internationaux, et des enjeux internationaux finalement très classiques. Hein. Je ne dis pas ça négativement, mais ça au sens de la compréhension des relations internationales, crise, intervention, guerre, évidemment, on a vu ça sur la Libye, sur la Syrie. Camille Faurite avait dit dans son intervention que les relations internationales peuvent être un levier de circulation transnationale, ce qui est évidemment vrai, mais ce qui finalement a été assez peu traité dans ces interventions, sauf effectivement sur la fin, sur les acteurs internes, donc les communautés syriennes de la diaspora, et puis donc ces circulations d'individus et les effets de ces politiques étrangères, mais on a plutôt une approche donc assez classique des relations internationales. Du coup, dans cette approche-là, la circulation révolutionnaire est souvent entendue par tout le monde, d'ailleurs, au sens de prise de position d'un ou de plusieurs dirigeants de ces gouvernements, de Chavez, de Correa, de Ortega, etc., sur des crises ou des enjeux internationaux. Et du coup, la réflexion tourne autour de comprendre cette prise de position. Pourquoi tel dirigeant a pris face à cette situation, cette crise, telle position, de voir comment cette position circule, c'est-à-dire comment est-ce que le fait de prendre cette position va faire que d'autres adhèrent à cette position, et donc pour la soutiennent. Comment elles vont être prises par les autres, dans quel lieu elles vont circuler. Évidemment, à quoi elles s'opposent, c'est quand même un enjeu central de la matinée, c'est-à-dire comment est-ce que ces acteurs vont se positionner par rapport à d'autres, évidemment, vous avez compris, les quatre. Et comment est-ce qu'elles parviennent à imposer ou à s'imposer par-delà les gouvernements qui les portent. C'est-à-dire comment est-ce que la politique, le prix de position de Chavez va réussir à être suivi par d'autres pays, soit de la base, soit de tout. Là encore, alors c'était plus dans les versions écrites que la version orale, c'est aussi une façon d'analyser la politique étrangère très classique à partir des discours, hein, des prises de position de dirigeants. On a eu des extraits de discours d'ailleurs qui étaient même, ce qui est normal, hein, puisque finalement on se repose sur ce matériel-là pour analyser à l'occasion de sommets, à l'occasion d'organisations, de rencontres particulières, que l'on va analyser comme étant justement l'indication d'une évolution sur une question. Avec souvent, c'est quelque chose qu'on fait très souvent quand on travaille en politique étrangère, une réduction de la diplomatie, de la politique étrangère, à la position du chef de l'État. Il y a plusieurs reprises, on a entendu la diplomatie de Chavez, la politique étrangère de Correa, etc., etc., ce qui est très classique, ça fait des années qu'en politique étrangère, on fait ça, aussi bien dans le monde académique que dans le monde médiatique, hein, mais cette réduction au chef de l'État qui est intéressante à analyser. C'est aussi une perspective ou une analyse dans laquelle on a une multiplication des institutions, on l'a vu en particulier donc, sur l'ALBA, et puis sur toutes ces organisations qui sont créées ou qui sont suscitées à l'initiative des chefs de l'État, et en particulier de Chavez. Alors on peut se demander si c'est une particularité des pays que l'on utilise ici, ou une particularité de la politique étrangère des pays latino-américains en général, cette multiplication d'arènes, d'instances, d'organisations d'intégration, mais elle a été mise en vente, c'est un point important à analyser, mais elle est souvent prise pour comptant, c'est-à-dire comme si l'existence de ces institutions signifiait la mise en place d'une politique. Et souvent, on a discuté de cette idée de savoir est-ce qu'il suffit de mettre en place une organisation ou est-ce que cette organisation a effectivement, je pense évidemment aux opérations entre l'Amérique latine et l'Asie ou l'Afrique, est-ce que ça suppose la mise en place de programmes au-delà même de la constitution d'une. C'est intéressant d'analyser la position d'institution, hein, institution. Oui, je ne suis pas créé une institution pour faire une politique dans le long terme. Et donc, il y a cette question-là qui est intéressante à analyser. Alors, un commentaire qui est revenu dans le débat, c'est que, à partir du moment où on se focalise sur les déclarations, sur les discours, on se focalise sur des déclarations qui sont analysées comme des positions convergentes par les acteurs, c'est-à-dire un certain nombre d'acteurs se retrouvent autour d'une position, d'une déclaration, et du coup on va analyser davantage les accords que les désaccords. C'est un peu le commentaire que tu faisais tout à l'heure sur justement comment on va analyser par rapport à un certain nombre de cas et comment on va analyser lorsqu'il y a un désaccord où on va constater simplement le fait qu'il n'y a pas la production d'un discours ou d'une déclaration de telle ordre. Évidemment, c'est une facilité, je ne dis pas directement, hein, de travail des universitaires, c'est plus facile de travailler sur le texte qui existe que sur le texte qui n'existe pas. Ou les positions, travailler sur la position, et c'est pas travailler sur les non-positions. Hein, donc évidemment, on travaille là-dessus, mais du coup, ça focalise évidemment notre attention sur sur les points de convergence par rapport aux points de divergence. Alors, un certain nombre de questions transversales, c'est évidemment la question de qui on parle quand on parle de politique étrangère. Focalisation sur le dirigeant. On y est revenu dans le débat. C'est vrai que c'est plus présent dans les interventions orales, mais souvent les diplomates sont assez absents. Alors c'est revenu dans la discussion, mais effectivement on a tendance à parler du chef de l'État, parfois de ses conseillers proches, parfois d'un certain nombre de personnages particuliers, mais effectivement les diplomates sont assez présents, assez absents pardon, de cette discussion. Les ministères d'affaires étrangères en tant que tel, on est revenu dans cette discussion sur justement la sociologie de la diplomatie, qui sont ces diplomates, comment ils sont formés, d'où ils viennent, etc. etc. Ça a été évoqué dans la discussion, mais c'est un point qui est important à essayer de creuser et essayer de comprendre justement ces politiques étrangères. Est-ce qu'on peut dire dans les régimes qu'on étudie hein, que la politique étrangère est effectivement réduite au chef de l'État? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie de ces régimes révolutionnaire. Si les autres acteurs, ministère d'affaires étrangères, parlement, etc., sont des acteurs marginaux de la politique étrangère, ce serait intéressant d'analyser comme tel. Et pourquoi est-ce que dans ces pays, ces acteurs, ces acteurs marginaux, alors on dirait que c'est partout le cas, mais pourquoi particulièrement dans ces pays? Est-ce que c'est parce que ce sont des régimes présidentialistes, et donc ça n'aurait rien à voir avec l'aspect révolutionnaire de ces États? Est-ce que c'est parce qu'il s'agit de pratiques de pouvoir personnalisées, où on va avec le présidentialisme, mais pas forcément. Est-ce que c'est parce qu'ils sont révolutionnaires et qu'ils donnent une importance particulière à cette politique étrangère, parce que du coup, elle le concentre sur la figure du chef de l'État. Mais ce qui est important dans cette discussion, justement sur qui fait la politique étrangère, et un certain nombre de vous l'ont fait de façon très fine, de restituer cette chronologie. Parce que justement, on voit bien que il n'existe pas une politique étrangère de Chavez ou une politique étrangère de Correa, que ces politiques elles ont évolué dans le temps, on l'a vu en particulier sur le cas d'Afrique, mais c'est le cas sur d'autres crises, les 10 jours d'attente sur la crise de Syrie. C'est-à-dire, comment est-ce que cette politique a évolué? Et du coup, c'est intéressant de voir justement dans les points d'accord, comment on parvient à cet accord et comment est-ce qu'on construit progressivement une politique. De revenir, nous sommes aussi sur cette idée de politique étrangère comme un vecteur de circulation d'idées. Je suis moins optimiste sur cette idée, mais c'est vrai que la politique étrangère est souvent un vecteur de circulation d'idées. Et puis donc, alors un point qui me semble également important à rappeler, c'est que lorsqu'on travaille aujourd'hui sur les relations internationales entre des régimes révolutionnaires, on a des relations de gouvernement à gouvernement. Et on n'a plus de relations de gouvernement à acteurs rebelles. Plusieurs d'entre vous avez évoqué l'histoire et les liens qui pouvaient exister par le passé entre ces acteurs, éventuellement quand ils n'étaient pas au gouvernement, et d'autres acteurs rebelles, et comment est-ce que ça travaille dans l'histoire. Mais aujourd'hui, on est dans des relations d'État à État, et par conséquent, on est dans une rhétorique spécifique des relations étatiques. Alors, du coup, deux questionnements transversaux. La première sur comment est-ce qu'on va qualifier ces positionnements au niveau international. Hein, on a des... Vous l'avez tous évoqué, on a des prises de position de ces acteurs que l'on peut qualifier, en gros et pour aller vite, comme des positions anti-impérialistes, qui s'opposent à la position d'ensemble des pays occidentaux, qui du coup s'inscrivent, même s'ils ne reprennent pas partie, mais s'inscrivent dans les discours calomnistes, donc au sud, etc. Moi, ça va être cas, qui sont dans une logique de défense très forte de la souveraineté. Beaucoup ont insisté sur cette question-là, et sur cette idée d'une alternative aux politiques étrangères mises en place par les pays du Nord et plus spécifiquement par les États-Unis. Alors évidemment, on retrouve ça partout. Mais un certain nombre d'entre vous l'ont évoqué, on a retrouvé ça dans le passé en Amérique latine. C'est-à-dire ces politiques étrangères anti-impérialistes, de défense de la souveraineté, avec un discours tiers-mondiste. Certains ont mis en lien la politique étrangère actuelle au Chavez et la politique étrangère de la question publique. On trouve beaucoup d'éléments communs. Pour faire le lien aussi avec la politique étrangère mexicaine, donc des années 70, 80, et aujourd'hui, mais par le passé, où il y avait ce même type de rhétorique, donc très classique. Enfin, très classique au sens défense de la souveraineté, défense du tiers-mondisme et discours militaire. Alors ce qui est curieux, c'est que on a un discours qui repose sur défense de la souveraineté, plusieurs d'entre vous ont dit une défense absolue de la souveraineté, la défense du gouvernement en place, cette formule superbe, parce que c'est un gouvernement légitime et donc il faut le défendre, hein, la défense des gouvernements qui sont en place, le refus de l'ingérence, le refus d'intervention d'acteurs du Nord par rapport aux pays du Sud. Or, ce qui est étonnant, étrange, intéressant à analyser, c'est que ce discours-là, c'est le discours des organisations multilatérales. On retrouve exactement ce type de discours dans les Nations Unies, et je ne dis pas dans les pays du Nord, je parle du discours des Nations Unies, défense du multilatéralisme, défense de multipolarité, référence à la Charte des Nations Unies, ce qui a été évoqué par un certain nombre d'entre vous. Donc, on a ce discours de référence à ce discours multilatéral, mais qui n'est pas assumé en tant que tel, hein, qui est assumé plutôt sur une logique de type révolutionnaire. Donc, là, c'est une question un peu à tous. Sur cette question de la défense de la souveraineté, on a quand même une rhétorique très nouvelle, parce qu'il me semble quand même que dans les discours des mouvements révolutionnaires des années 50-70, il n'y avait pas une défense absolue de la souveraineté. C'est-à-dire que l'idée était plutôt d'un internationalisme révolutionnaire, de l'idée que les acteurs révolutionnaires, justement parce que la souveraineté est incarnée par des acteurs, pour reprendre le vocabulaire révolutionnaire, bourgeois, etc., conservateurs, et donc il fallait agir au niveau international contre ce type d'acteurs, et qu'on pouvait, du coup, que les acteurs révolutionnaires pouvaient soutenir dans d'autres pays des acteurs rebelles révolutionnaires, donc faire ce qu'on appelle aujourd'hui l'ingérence, et donc de soutien financier, de soutien militaire, etc., etc., et qu'il n'y avait pas du tout ce discours de la défense de la souveraineté. Donc, du coup, je pense que c'est intéressant de voir comment on est passé d'un discours révolutionnaire de soutien à d'autres acteurs, hein, discours révolutionnaire de défense de la souveraineté. C'est en quelque sorte un discours qui est traditionnel, au sens traditionnel, au sens de conserver ce qui existe. Hein. Les gouvernements de la souveraineté, les gouvernements de la ne pas remettre en question en quelque sorte. Vouloir remettre en question l'ordre international, mais en partant de la défense d'un certain nombre de situations, en quelque sorte, acquises. Et en cela, évidemment, avoir une position révolutionnaire, ça a été une fois par beaucoup, c'est beaucoup réagir à la position des pays du Nord. On peut dire une position des pays européens, une position des États-Unis, où vous avez beaucoup intervenu sur cette question de dire, finalement, on a par rapport à un certain nombre d'enjeux, on peut expliquer cette position parce que les États-Unis, parce que les pays européens ont pris cette position et donc on prend la position inverse. Et j'allais dire, dans cette politique traditionnelle, on a aussi, dans ces volontés de politique d'influence, en particulier sur la question du Venezuela en Afrique, dans l'idée de vouloir faire en sorte de diffuser les valeurs d'un certain nombre de régimes dans d'autres pays à travers cette politique d'influence, on trouve dans sa conception, dans son idée, des politiques d'influence qu'on peut trouver dans les pays occidentaux. C'est-à-dire cette idée d'agir, de se servir de la politique étrangère pour diffuser les valeurs de, je ne sais pas, pour les États-Unis, pour la France, etc. En France, on attire des pays étrangers pour qu'ils soient ensuite érogés des valeurs de la démocratie et du système militaire français. Et donc, dans cette idée de se servir des individus comme des vecteurs de la diffusion d'un certain nombre de valeurs. Et puis, donc, deuxième question transversale, c'est cette idée de, finalement, on y est revenu aussi, mais comment circulent ces prises de position au niveau international entre ces acteurs, Venezuela, Équateur, Nicaragua, Bolivie, etc., etc. Et vous avez beaucoup tous insisté sur justement tous ces lieux, hein, ces sommets, ces conférences, soit entre pays latino-américains, soit avec d'autres pays, ces mais de creuser un peu à l'analyse de qu'est-ce qui se joue dans ces lieux, dans ces conférences, dans ces sommets, entre les pays comme le Venezuela, comme l'Équateur, comme le Nicaragua, etc. Comment se constituent, à l'occasion de ces conférences ou de ces sommets, des prises de position communes par rapport à un certain nombre d'enjeux. Donc, en fait, en quelque sorte, le travail de préparation diplomatique avant la prise de position ouverte au public de la part du dirigeant. Comment cela se met en place aussi dans d'autres scènes qui sont celles qui sont créées à l'initiative de ces gouvernements? Et en particulier, il y a eu des débats aussi sur justement le vote aux Nations Unies et donc et les disparités en termes de vote aux Nations Unies. Est-ce qu'on a le même genre de convergence éventuellement qui existe? Je ne parle pas de convergence de position, je parle de convergence de préparation de position diplomatique sur les enjeux à l'occasion de sommets, comme le sommet d'Alba, etc., ou à l'occasion de discussions internationales pour les Nations. Est-ce que vous avez vu, dans le cadre de vos études, comment est-ce que ces diplomates préparent ensemble des prises de position par rapport à... Ou est-ce que c'est simplement qu'on suit la position de... Je ne sais pas exactement la même chose, qu'il y ait des lieux de discussion de diplomates ou de conseillers politiques sur les questions. Est-ce qu'il y a l'idée parmi ces gouvernements de pas simplement faire de la coopération technique, mais aussi de la formation éventuellement de diplomates d'autres pays qui sont amenés à participer de cette alliance de pays révolutionnaires? Je pense au cas du Honduras, avant le coup d'État, c'est-à-dire est-ce que par exemple il y a eu de la part, je ne sais pas, du Venezuela, du Équateur, du Nicaragua, l'idée que voilà, le Honduras allait soutenir le gouvernement sénatorial, j'entends, allait justement s'inscrire dans cette logique de gouvernement révolutionnaire en Amérique latine, et que par conséquent, il fallait en quelque sorte préparer, aider les diplomates honduriens à prendre des positions au niveau international qui seraient les positions de ce. On pourrait poser d'ailleurs la même question pour le Salvador, au vu des résultats des élections présidentielles extrêmement récentes. Donc justement, comment se diffuse entre diplomates, entre acteurs, et est-ce qu'il y a cette idée qu'on va former les autres, qu'on va les aider à formuler des positions sur les enjeux internationaux? On a évoqué les situations de crise. Est-ce que sur des enjeux qui seraient moins polarisants, c'est-à-dire des enjeux sur lesquels il y a moins de positions de pays du Nord, d'ingérence, évoqué évidemment la situation, mais sur d'autres questions internationales, dans lesquelles on a moins cet enjeu de polarisation et donc moins cet enjeu d'opposition à des pays du Nord, et ce que vous avez vu justement, la construction de positions communes entre ces pays, il semble qu'il y a une circulation de débats et d'enjeux pour que ces pays se situent par rapport à cette question, ou est-ce qu'il vous semble que c'est spécifique, particulier de situations polarisantes qui permet justement de créer une opposition par rapport. Puis dernier point, juste pour la discussion, un point qui me semble extrêmement important et sur lequel on a terminé la matinée, mais qui est revenu sur plusieurs des interventions, c'est l'importance du fonds domestique en politique étrangère. L'idée qu'effectivement la politique étrangère, c'est pensé pour l'international et c'est pensé pour dans un cadre de scène internationale, mais évidemment, et c'est pour revenir à l'idée qu'il y a des acteurs internes de politique étrangère, la politique étrangère s'adresse aussi à la scène politique interne. Et que, évidemment, prendre des positions au niveau international, c'est évidemment tenter de créer un soutien ou avoir une audience, etc., au niveau international, mais c'est aussi s'adresser à des acteurs politiques internes. On a vu la fois sur l'Afrique, on a vu aussi sur les minorités d'origine syrienne. Donc, comment est-ce qu'on va s'adresser à ces questions-là? Et il me semble que c'est justement intéressant en termes de circulation, parce que ça réintroduit les acteurs qu'on a relativement peu vus, c'est-à-dire les acteurs internes des relations internationales qui sont intéressants en termes de circulation. Et juste pour terminer en termes de vraiment de questions ponctuelles, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'influence dans la politique africaine de Venezuela? Ça pose plein de questions. Pourquoi justement il n'y a pas eu d'influence d'acteurs internes d'autres États, en sachant justement les liens qui existent en termes d'acteurs internes en Europe, en Amérique du Nord, de soutien aux régimes chavistes, pour dire si vous mettez en place une politique de coopération en Afrique, c'est extrêmement important, c'est bien, c'est important, etc. Mais il y a toute une expérience en matière de coopération qu'il ne faut pas suivre. Il ne faut pas faire la même chose. Et du coup, ce serait intéressant de mettre en place une politique de coopération et de développement différentes. Est-ce que ces acteurs, oui, la question, c'est est-ce que les acteurs pour Algérie, Altamonès, du pays du Nord, qui ont été si critiques aux politiques de coopération des pays du Nord, et en particulier en France, et dans d'autres pays, est-ce qu'ils n'ont pas du tout eu d'influence sur ces questions-là? Est-ce qu'ils en ont eu, ou est-ce que... Un peu de commentaire pour tous, pour réagir comme vous voulez. Vous avez 20 minutes. Je vais commencer sur... Donc, 4 minutes chacun. Je commence sur cette dernière question sur l'influence des acteurs à la journaliste. Déjà, j'essaie de rassembler mes idées. C'est assez difficile en fait de mesurer l'influence externe sur la fabrication de la politique étrangère vénézuélienne et notamment en Afrique. Moi, ce que j'ai compris, mais voilà, ce sont plus des bruits de couloir en fin de compte, c'est que l'influence cubaine a été assez forte en fait, et est assez forte dans la formulation d'une politique étrangère en Afrique. Je pense que les acteurs afro-vénézuéliens, pour revenir à ces acteurs internes, sont aussi assez intéressants parce que il me semble qu'à un certain moment, il y a eu une espèce de confusion en fait, entre africanité et Afrique. En fait. C'est-à-dire que les experts de l'Afrique qu'on avait au Venezuela et qui permettaient la construction d'une politique africaine au cours de la 4e République ont été écartés de cette politique de Chavez à cause de cette polarisation. Ils s'en sont écartés eux-mêmes aussi. Et du coup, il me semble, bon voilà, c'est encore un ébauche dans mon esprit, mais il me semble que le gouvernement Chavez s'est du coup reporté sur les acteurs afro-vénézuéliens pour construire une légitimité à la fois vers l'Afrique, mais aussi parce que, très concrètement, le Venezuela connaît peu l'Afrique, en fait. Ça fait ce sont deux continents qui sont restés assez éloignés. Et qu'au fond, il faut construire un discours, et que pour construire ce discours, les Afro-Vénézuéliens étaient presque les mieux placés, en fin de compte. Et donc moi, je trouve que ces acteurs afro sont assez intéressants dans ce sens-là, et je pense qu'ils peuvent aussi, conduire à une espèce de décalage, en fait, entre ce qu'on projette de l'Afrique et ce qu'est l'Afrique, et donc peut-être à ces espèces de dissonances qu'on a entre... les intentions en fait des Vénézuéliens et ce qui derrière est mis en œuvre en Afrique. Voilà, après je vais peut-être pas m'étendre plus. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions qui me concernaient, mais. Sans doute en partie quand même. Voilà. Moi je suis juste un petit point sur effectivement cette diplomatie qui a évolué, il me semble. Malgré toute l'hétérogénéité des pays latino-américains, puis même au sein de l'ALBA, en fait, très bien montré, tout le monde ne réagit pas à la même vitesse ou de la même façon. Les explications sont propres à chaque pays. De même que la transition au socialisme est un modèle endogène, donc propre à chaque pays. Il n'y a pas de modèle. Hein. Je rappelle que Fidel Castro disait qu'on n'exporte pas la révolution, ce sont les peuples qui la font. Hein, donc il n'y a jamais l'idée d'exporter quelque chose. Il y a un modèle ou quoi que ce soit, il ne me semble pas. Mais dans l'évolution actuelle des relations, c'est vrai que c'est au niveau intra-régional, je trouve que c'est assez flagrant. C'est-à-dire que, c'est pour ça que j'insistais sur la paix, hein, parce que la diplomatie, même dans ses relations de bon voisinage avec tous les pays latino-américains, elle va vers ça. Je veux dire que je prends un exemple, l'Équateur, qui a eu en 2008, on s'en souvient, des relations très tendues. On était au bord de la guerre avec la Colombie, qui, pour violation territoriale, hein, des relations très conflictuelles entre le Venezuela et la Colombie également, pour des problèmes d'incursion militaire ou autre. Donc je trouve qu'il y a une évolution vers un sentiment d'apaisement, de pacification. Et tout simplement, je dirais, oui, bien sûr, c'est très polarisé, mais c'est nous peut-être qui le voyons comme ça. Je veux dire que quand on est là-bas, on a le sentiment que les choses ne sont pas aussi polarisées que ça, du moins dans les relations entre les pays. C'est-à-dire qu'il y a un consensus déjà en faveur de l'apaisement et de la paix. Et ça, je dis parce que c'est vrai que les pays bolivariens ont été peut-être les premiers à être très clairs sur ce discours, Mais après, quand on voit finalement les décisions communes, les déclarations qui arrivent à être prises malgré les discussions par derrière qu'on ne connaît pas, beaucoup moins, c'est sûr, mais n'empêche que on constate une déclaration commune. N'empêche, hein, au-delà de tout ça. Donc, je veux dire, c'est assez extraordinaire de penser que dans une Amérique latine, où il y a finalement une division très forte, où la ligne de fracture s'accentue, elle s'accentue avec notamment au niveau des blocs régionaux. La dernière création de l'Alliance du Pacifique, hein, qu'on a commandé comme étant un contrepoids au Mercosur, etc. Donc sur une Amérique latine qui finalement n'est pas homogène du tout, eh bien il y a quand même un consensus qui est celui-là, hein, je dirais, c'est-à-dire pas d'ingérence dans les affaires intérieures des pays. Hein, je crois que c'est surtout ça. Et donc, je constate en Équateur, parce que je connais un petit peu plus, peut-être plus souvent, et je constate que eh bien, l'Équateur a des relations extraordinaires avec le Pérou. Hein, ce n'était pas le cas, puisqu'il était en guerre il n'y a pas si longtemps que ça. A des relations très fortes. Il y a des cabinets binationaux, ce qui est tout à fait nouveau. Avec la Colombie, ils viennent d'ouvrir un pont, le pont de Chaca, qui est symbolique, hein, le pont, ça unit deux pays, mais c'est un projet commun qui est né d'une volonté commune, donc de dépasser, d'aller vers cette formation, je disais, la patriarcale, mais c'est tout ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose, un rêve, sans doute une utopie pour certains, mais en tout cas, il y a des constructions, il y a des choses qui se font. Et ce qui se fait, ben, c'est peut-être des choses très locales dont on n'a peut-être pas trop conscience, hein, parce qu'on en parle moins ou parce qu'on n'en parle pas du tout. Mais il y a beaucoup de choses qui se font dans le rapprochement des pays. Et donc, finalement, il y a beaucoup de consensus dans les prises, finalement, de décisions face aux problèmes graves. C'est-à-dire, ce que j'appelle problème grave, c'est une guerre, hein, vers les pays qui vont vers une logique de guerre. Bon, il me semble que l'Amérique latine, à ce niveau-là, est complètement à contre-courant de la tendance actuelle. Hein. Donc et je dirais toute l'Amérique latine, là-dessus, c'est même pas seulement là-bas. Hein. Alors, même si il y en a qui ont réagi 10 mois après, oui, l'UNASUR a été la première, peut-être, à réagir d'une voix commune sur le problème de la Syrie. Mais pourquoi? Parce qu'elle a réagi en août, au moment où il était vraiment question d'aller lancer une guerre, hein, tout de suite. Ah oui, alors là, il y a une urgence, effectivement. Mais le reste du temps, c'est pas un bloc. L'ALBA, c'est peut-être un bloc sous-régional, mais je veux dire que chaque pays a sa liberté de considération, d'estimation, d'appréciation à son rythme et en fonction de ce qu'il considère à faire ou à ne pas faire. Voilà. Chose à dire sur les. Voilà, justement, je crois que ça soulage tout le monde. Les organisateurs vous remercient de cette information. Vous pouvez aller déjeuner. Non, deux, trois mots. Non, bah, je vais simplement parler de la politique étrangère, finalement, syrienne. Bon, je vais essayer de tirer par les cheveux et puis la ramener à un autre sujet, mais pas sujet de colloque. Mais en gros, oui, tu as raison. C'est-à-dire qu'on a tendance à personnifier, mais à glisser vers la personnalisation plutôt que la personnification de la politique étrangère pour avoir prise sur elle, par quantité aussi, mais pour avoir prise. Et c'est vrai qu'on a tendance de passer de personnifier à personnaliser. Pour la politique étrangère syrienne, en gros, bon, il y a des. La prise de décision, elle est assez complexe, hein, finalement. Ça dépend des enjeux, des sujets, des enjeux qu'ils représentent. C'est assez complexe, ça peut faire intervenir des acteurs très différents. Mais en général, sachant que la politique étrangère syrienne est très structurante pour le régime en général, y compris même pour son organisation politique, c'est un point très important. Donc les militaires, enfin pas tous, mais surtout les gens du renseignement, interviennent directement dedans. Le parti aussi, également, je peux donner un exemple précis. Il y a un vestige d'une instance du BAS qui ne sert plus vraiment à grand-chose, mais qui est maintenue tout de même parce qu'elle elle donnait de l'analyse, c'est le commandement national du parti, qui donne de l'analyse sur la politique étrangère. De l'analyse et elle avait pour but de dégager un peu les objectifs que la politique étrangère devait atteindre. encore un réseau très étendu de relations interpersonnelles avec des dirigeants, russes, avec des dirigeants latino-américains, etc., avec des dirigeants du Maghreb. Donc on les garde pour l'aspect réseau, en fait, c'est-à-dire ce qu'ils peuvent activer comme réseau. Pour, par exemple, je ne sais pas, en Algérie, s'il faut un article positif sur ce qu'a fait Assad ou quoi, hop, ils activent les réseaux, ils appellent des journalistes sur place en Algérie, et puis voilà, l'article sort. La prise de décision, elle est complexe, mais en même temps, il y a des constantes et il y a des pesanteurs dans la politique étrangère syrienne. En gros, sur les 40 dernières années, vous avez simplement 3 hommes qui ont été ministres des Affaires étrangères. Ils sont que 3. Et après, ils se sont succédés. Et en général, vous y restez 15, 20 ans, parce que vous devez passer, on dirait qu'il faut être sunnite, traditionnellement, il faut être sunnite. C'est dû au partage, au deal qu'ils font sur le partage du pouvoir. Donc, c'est jamais un alawite, qui est la confession du président Assad. Et puis, vous devez passer par un cursus honorable. Donc il faut vraiment monter tous les échelons du ministère et on ne nomme que des gens très très très expérimentés mais surtout qui ont prouvé leur loyauté. Et ça c'est pour ça qu'on ne les nomme pas tout de suite. Donc on les laisse mariner pendant 15-20 ans pour être sûr que ceux-là n'ont pas trahi. Et sinon je peux aussi, il y a deux aspects, je vais ramener ça plutôt à un autre sujet, je vais m'arrêter là. J'ai parlé de ce ministère de l'immigration qui a été créé en 2002 et de cette conseillère présidentielle, Bouteille Charbonne, qui a été nommée à sa tête. Bon, elle l'a quittée depuis. Mais en fait, le but de ça, c'était vraiment de créer un canal parallèle de politique étrangère, de relations extérieures, en fait. Parce que cette dame-là, qui est une traductrice de formation, qui était la traductrice personnelle de la thèse de Hassan, Ne s'occupait pas d'immigration, pas du tout. Elle avait pour but, à travers les migrants syriens présents dans les différents pays où elle se déplaçait, de nouer des liens avec les dirigeants, les gens qui comptent dans les pays en question. Donc ça a été le cas pour le Venezuela, ça a été le cas pour les États-Unis aussi. Et quand il fallait faire passer des messages parallèles, il l'envoyait, elle, les ministres de l'immigration. Ça apparaît comme quelque chose de pas sensible politiquement. Et puis, on faisait une diplomatie parallèle par ce biais-là. Donc, la diplomatie syrienne a différents canaux par lesquels elle agit. Simplement, la prise de décision, ça, c'est, en général, c'est beaucoup plus vertical. Et les gens de renseignement sont évidemment très proches de ces décisions-là. Juste tout dernier point, mais ça, c'est une petite anecdote, parce que je m'en suis aperçu en préparant là le papier et en faisant les recherches, en fait. J'ai trouvé, toujours par rapport à ces circulations d'idées, c'était mon premier point, entre révolutionnaires, vous avez dans la constitution syrienne, enfin l'ancienne, et puis la constitution de Cuba, je ne sais plus, je ne connais plus la date pour celle de Cuba, vous avez un article qui est, pour la Syrie, c'est l'article 8, qui dit « Le parti basse est leader de la société et de l'État, et donc c'est lui qui détermine à travers ses organes directeurs, qui détermine les grands objectifs de la nation, de la société, de l'État, de la politique étrangère. » Et vous avez exactement le même article dans la constitution cubaine. Je ne sais pas dans quel sens ça s'est fait, mais si c'est les Syriens, je suppose que c'est les Syriens, et puis il s'est passé aux Cubains, peut-être que c'est l'inverse, je ne sais pas. Toujours est-il que les Russes, les Soviétiques ont fini par l'inclure aussi dans leur constitution. Mais alors c'est très curieux, c'est pas eux les premiers qui l'ont fait, ils l'ont fait à la fin des années 70. Donc eux, ils auraient copié apparemment sur les Syriens. Donc ça c'est intéressant comme point. Parce que c'est à partir de ça que le parti basse justifie son hégémonie sur la vie politique sociale. C'est leader du pas de la société et de l'État. Donc, voilà. Elodie, 3 minutes. Alors, 3 points, 1 par minute. Donc, d'abord, pour répondre à la question formation de diplomates entre pays de l'ALBA, moi, au cours de mes entretiens, j'ai eu plusieurs cas de représentants diplomatiques vénézuéliens qui avaient suivi des formations à Cuba. avant d'entrer en fonction, justement, parce qu'il n'était pas déclaré carrière. Ça peut aller dans ce sens, mais oui, en effet, il en existe. Deuxième point, existe-t-il des prises de position communes en dehors des enjeux très polarisants dans le cadre de l'ALBA? Je pense que oui. Un exemple, c'est les sommets des conventions cadres des Nations Unies sur le changement climatique. Donc en 2009, il y a eu un fameux sommet à Copenhague avec de grandes divisions internationales et les pays de l'ALBA ont claqué la porte. Enfin, plusieurs pays de l'ALBA sont partis pour refuser l'accord final qui n'a pas été signé. Mais là, on retrouve de nouveau la flexibilité, puisque deux ans plus tard, lors du sommet de Cancun, il n'y a que la Bolivie qui s'est opposée à l'accord final et les autres pays n'ont pas suivi. Donc finalement, on retrouve cette logique-là. Et le dernier point par rapport à comment sont construites ces prises de position communes, comment il est négocié au préalable, je dirais que là, on a une limite essentielle dans notre travail qui est celle d'analyser le temps présent. Et dans le cas des pays de l'ALBA, moi, je ressens deux limites. Une qui est classique, c'est celle du secret diplomatique. Le temps qu'on n'ouvrira pas les archives, on ne va pas nous dire pour des raisons évidentes comment se prennent des décisions communes, quels sont les échanges qui sont faits, mais c'est le jeu. Et la deuxième limite, c'est qu'on a affaire à des pays qui sont très polarisés politiquement, où chaque argument qui est publié par une partie est utilisé par l'autre à des fins politiques, ce qui a pour but parfois d'être frileux sur la divulgation d'informations un peu officieuses, même si elles n'ont pas d'enjeu forcément. C'est l'utilisation qui peut en être faite. Donc ça limite aussi notre travail pour savoir comment se construisent des postures internationales. Voilà. Merci pour cet air de la synthèse. Applaudissements. Donc on se retrouve à 14h30 tout à l'heure. Et ceux qui n'ont pas pu poser de questions, on peut les frustrer. Vous pourrez poser des questions tout à l'heure. Vous pouvez poser des questions aux intervenants.